on va glorifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on glorifie? On n'a pas le temps. La valeur, la valeur de la gloire. La valeur et la gloire. Valorisons la valeur et la gloire. On est des fachos. Ok, c'est le facho, hein? Depuis que tu vois un mot. Bon, we'll be right back. Yeah.